France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de cette semaine, très particulière d'ailleurs, mais en tout cas de tous les rendez-vous scientifiques Continent Science aujourd'hui et cette semaine pour Culture Science, dévolue entièrement à l'explication et aux conséquences de quelque chose dont l'acronyme est le suivant. CRISPR-Cas9, et que on pourrait traduire par courte séquence palindromique répétée, groupée et régulièrement espacée. Et là derrière se cache peut-être une révolution biologique et des espoirs et aussi peut-être des inquiétudes concernant la manipulation du vivant. Aujourd'hui donc, pour parler de cette CRISPR-Cas9 avec moi, Christine Brossel, qui est biologiste, et un jeune biologiste, David Bicard, qui travaille lui aussi sur ce sujet. Mais bonjour à toutes, bonjour à tous, après cet avant-propos. Et pour ne pas perdre nos habitudes, dans cette semaine qui pourtant est particulière, tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les colibris. Les colibris. C'est Lilliput aviaire, le plus petit, le colibri d'Hélène, ne pesant que 16 grammes et ne mesurant que 5 centimètres. Et dont Durer, le grand Durer, disait qu'ils étaient, lorsqu'il les vit, comme des bijoux, comme des joyaux. Ce sont, les colibris, les seuls oiseaux à voler à reculons. La plupart des oiseaux-mouches ne migrent pas. Seule une minorité d'espèces effectue des migrations sur de si longues distances que l'on peut dire que nos minuscules sont d'étonnants voyageurs. Ces vols migratoires s'effectuent presque toujours au-dessus de la terre ferme. Ils sont entrecoupés de haltes plus ou moins longues qui dépendent notamment de l'abondance des sources de nourriture. Ainsi, cette espèce de colibri, nichant dans la moitié occidentale des États-Unis, migre vers le Mexique, en passant en août au-dessus des prairies montagnardes, où il semble qu'elles suivent la floraison des herbes et des plantes herbacées. Le colibri roux est celui qui effectue la plus longue route migratoire. Lui, il migre de l'Alaska, parce qu'il y a des colibris en Alaska, aux régions du nord et du centre du Mexique. Il va au sud. Le colibri à gorge rubis, autre migrateur, peut lui traverser d'une seule traite le golfe du Mexique et parcourant ainsi environ 1000 km sans il ne fera aucune halte possible, bien sûr. En général, les mâles arrivent en premier pour établir leur propre territoire. Peu après leur arrivée, les femelles surviennent et déterminent le leur, selon le lieu de nidification qui leur semble le plus propice pour élever leur famille. Les mâles, eux, montrent beaucoup d'agressivité territoriale envers tout autre oiseau-mouche qui voudrait pénétrer dans son territoire. Et même une femelle sera agressée. Cette dernière, la femelle, démontre également de l'agressivité, mais à un moindre niveau, elle est trop affairée à la construction du nid et à l'éducation des jeunes. Ces espèces effectuent de courtes haltes où les individus se réservent des territoires dans des endroits coïncidant avec les territoires de reproduction d'autres espèces. C'est ainsi que l'on peut apercevoir en même temps, et c'est joli de dire cette litanie de noms sur la côte ouest des États-Unis, le colibri d'Anna, le colibri d'Allène et le colibri de Costa en période de reproduction. Cela pendant que l'on y retrouve le colibri à queue large et le colibri calliope durant leur migration. Certains colibris roux montrent une tendance à migrer d'est en est, d'ouest en est, en suivant un territoire donc qui leur permet des alimentations. Et ces espèces montrent assez de résistance si la nourriture et si les abris sont suffisants. Et dans ce cas-là, on en voit certaines, et le détail est vraiment étonnant, qui résiste à des températures de moins 20 degrés. Quand on sait que ce petit animal a un métabolisme d'enfer et qu'il lui faut manger beaucoup de sucre, le colibri. Il semble que les oiseaux-mouches aient un ancêtre commun avec les martinets. On date cela à 29 millions d'années. Deux fossiles d'espèces voisines, très voisines donc, ont été découverts. L'explosion radiative initiale a eu lieu, au moins en partie, au cours d'une période qu'on appelle le Cervalien, entre 12 et 13 millions d'années, pendant l'émergence des Andes. Alors, et pour finir, ces oiseaux ont passé d'une altitude de 1500 mètres à 2000 mètres. On les suppose tous originaires de l'Amérique du Sud, car c'est là que leur diversité est la plus importante. Bonjour Christine Poncel. Bonjour. Alors je peux peut-être vous demander quel est le laboratoire, puisque vous travaillez dans la première partie surtout, on va le voir, de cet acronyme, plutôt dans la partie CRISP ou CRISP, enfin comment est-ce qu'on va prononcer, qu'est-ce qu'on va mettre d'accord. On va dire CRISPR. Je travaille à l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, IDBC, à l'Université Paris-Saclay, donc à Orsay. Bonjour David Bicard. Bonjour. Alors pareil, même question, pour qu'on sache où est-ce que vous faites vos expériences. Est-ce qu'elles concernent CRISPR directement ou d'autres parties de l'acronyme? Est-ce que vous mobilisez cet enzyme énorme, le Cas9 ou Cas9? C'est ça, où je travaille également sur les CRISPR et sur cette protéine Cas9 dont on va parler à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de biologie de synthèse. Est-ce qu'il y a eu, ça c'est une question d'ordre général, puisque maintenant on parle vraiment de révolution en termes de moyens heuristiques déjà. C'est un outil extraordinaire. Après on va voir aussi les conséquences, c'est-à-dire ce qu'il permet de faire. Mais c'est d'abord un objet de connaissance. Est-ce que vous considérez, vous Christine Poncel, que il y a là vraiment un événement? Est-ce que vous considérez que aussi important que, par exemple, la découverte des gènes de développement, les maîtres gènes, à la fin du XXe siècle? Oui, c'est une révolution technologique qui va permettre d'avancer en recherche, déjà, puisqu'on va pouvoir inactiver des gènes de manière très précise et regarder leur fonctionnement. Et puis, dans la modification des génomes de plantes, d'animaux, on en reparlera, mais c'est quelque chose qu'on pouvait faire, mais d'une manière beaucoup plus difficile et plus longue. Et là, c'est une révolution, oui. Vous la vivez comme telle aussi, cet outil, puisque vous parlez d'un outil maintenant d'ailleurs, hein, du système ou d'un outil, David Bicard? Oui, tout à fait. C'est à la base un système naturel qu'on a découvert chez les bactéries et qui est devenu un outil qui représente vraiment un changement de paradigme dans notre capacité à modifier et à comprendre le vivant. Alors, je vous propose de commencer par cette question, parce que là, on va être directement dans ce qui vous a mobilisé du point de vue scientifique longtemps, Christine Poncel, et vous continuez, bien sûr. Cette question, je la pique, en quelque sorte, au début d'un article qui a été écrit par Emmanuel Charpentier, qui est l'une des deux duettistes d'un couple qui est très très connu en ce moment, avec Jennifer Doudna, pour leur travail toujours sur ce CRISPR Cas9. Cette question est la suivante: est-ce qu'on peut vacciner une bactérie? Oui, on peut vacciner une bactérie, oui. Enfin, ce système, le système naturel CRISPR-Cas, est un système qui permet à la bactérie de stocker la mémoire d'une agression par un virus, par exemple, pour pouvoir plus tard, quand ce virus va se représenter dans la même bactérie, se défendre contre ce virus. Donc c'est une vaccination, en effet. Alors, on peut peut-être faire un distinguo pour que les choses soient claires. Là, on va donc discuter évidemment d'attaques virales, donc de virus, et qui infectent des bactéries qui peuvent être évidemment eucaryotes ou prokaryotes, c'est une situation qui se répète et qui se trouve assez souvent. Bien sûr, les virus peuvent aussi nous attaquer. Alors, première chose, il faut distinguer de façon extrême, pour que les choses soient claires, le système immunitaire classique, enfin si je puis dire, quoi, celui qui est inné, parce que là, il y a un effet d'une certaine manière d'apprentissage. Donc, est-ce qu'on peut dire d'un mot quel est ce système immunitaire habituel qui mobilise en particulier nos cellules sanguines? Là, le système immunitaire humain est très complexe puisqu'il fait fonctionner, par exemple, les lymphocytes B qui vont produire des anticorps, les lymphocytes T qui vont avoir différentes fonctions, des fonctions de tueurs, des fonctions pour aider les lymphocytes B à faire les anticorps. Oui. Il va y avoir des macrophages qui sont les premières cellules qui attaquent et mangent l'agresseur. Le système bactérien n'est pas si complexe que ça. Et CRISPR-Cas, en particulier, qui n'est que chez les prokaryotes, est beaucoup plus simple. Il est uniquement, il ressemble uniquement à la portion stockage de mémoire et agression et attaque de l'agresseur comme une vaccination. Loin du système immunitaire de l'humain. Est-ce qu'on peut rentrer dans plus de détails, donc, puisqu'il va y avoir une activité de macrophage, d'une certaine façon, là encore, vous parlez de ce système qu'on a découvert, puisqu'on peut vacciner une bactérie en lui faisant goûter à quelque chose qui peut lui faire beaucoup de mal, c'est qu'elle va en garder une trace, elle va en garder une sorte de mémoire, il va y avoir une espèce de bibliothèque. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans plus de détails? Donc là on a parlé de prokaryotes, hein, donc une bactérie qui n'a pas de noyau, et voilà qu'un virus malin, le parasite du parasite, qui a besoin de cette bactérie pour se reproduire, rentre en elle et cherche donc à l'infecter. Que se passe-t-il ? Donc, alors, ces systèmes CRISPR vont être capables de capturer un morceau de l'ADN du virus qui est rentré dans la bactérie et d'utiliser ensuite cette information pour aller détruire les virus qui sont homologues à ce bout d'ADN. Donc, il reconnaît les virus qui sont identiques à celui qui est rentré et pour aller les détruire. Alors, qui dit mémoire, donc, et qui parle d'immunologie adaptative, ça veut dire aussi mémoire héréditaire d'une certaine manière. Parce que, évidemment, là, on peut se poser la question, voilà quelqu'un qui est donc, un phage qui vient attaquer cette bactérie, le génome de ce virus est évidemment complexe, long. D'où elle a la malice de repérer les bons endroits, de se les incorporer pour en faire un moyen de défense? Alors c'est une très bonne question, le système CRISPR. C'est une question de naïf. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est encore assez mal compris au final dans ces systèmes CRISPR, qui est comment est-ce qu'ils font pour reconnaître l'ADN du virus et pas par exemple leur propre ADN. Et donc on est en train d'élucider certains des mécanismes qui permettent de faire cela, mais en fait il se trouve qu'ils prennent des morceaux d'ADN un peu au hasard malgré tout, et de temps en temps, ils vont faire une sorte de réaction auto-immune ils vont capturer un bout de leur propre ADN et se suicider. Mais la plupart du temps, grâce à des mécanismes qui sont un peu complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils arrivent à capturer spécifiquement l'ADN des virus et comme ça se construire cette mémoire. Et vous l'avez justement dit, c'est une mémoire qui est intéressante parce que c'est une mémoire qui est héréditaire. Et c'est un point qui est très différent du système immunitaire humain, par exemple, parce que un bébé doit refaire toute son immunité. Il n'hérite pas de l'immunité acquise par sa mère. Or, les bactéries qui capturent ces morceaux les passent à leur fille, aux cellules qui se divisent. Donc c'est une immunité adaptative et héréditaire. Et héréditaire. Et pour poursuivre, Christine Poncel, il y a dans cette manière, comment est-ce qu'on appelle cette bibliothèque? Est-ce qu'elle porte un nom? C'est la structure CRISPR elle-même, la bibliothèque. C'est ça, c'est celle-ci. Voilà. Alors est-ce qu'elle a une forme permanente? Comment est-ce qu'elle est composée? Alors, elle est composée de courtes répétitions qui sont les unes derrière les autres, mais séparées par des tronçons qui sont les tronçons de virus, justement, qui vont être stockés. Donc, on a cette série de répétitions séparées par des morceaux qui sont tous différents les uns des autres, qu'on va appeler espaceurs ou spacers en anglais, et qui sont donc... dont on sait maintenant qu'il représente des morceaux de virus, on ne l'a pas su tout de suite. Et ce CRISPR peut grandir avec l'ajout de nouveaux morceaux. Donc chaque fois que la bactérie va rencontrer un nouveau virus, elle va rajouter un nouveau morceau à la queue leu-leu. Donc toujours au même endroit. On peut comme ça avoir des CRISPR qui ont jusqu'à plusieurs centaines de tronçons de virus, les uns derrière les autres, comme ça. C'est énorme. Oui. En plus, c'est vraiment énorme. Oui, ça représente une grosse portion du chromosome de certaines bactéries ou archées, puisqu'il y a également les archées. Oui, alors évidemment, il faut mettre les archées, on peut en dire un mot tout de suite. Hein. Ça a d'abord été identifié, c'est un nouvel ordre, hein, d'une certaine façon, maintenant en systématique animale. Ils sont à part de tous les autres, des champignons, et ainsi de suite. Et au départ, c'était des organismes résistants, très très résistants, très anciens et très résistants à des conditions environnementales. Terrible, très chaud, des radiations atomiques, enfin bref, des champions quoi, de la résistance. Et là aussi, des phages peuvent venir attaquer ces archées. Oui, alors on appelle ça des virus pour les archées. Oui. Et c'est vrai, la grande majorité des archées sont des extrémophiles. Elles vivent dans des milieux très, très durs, grande profondeur, comme vous l'avez dit, grande chaleur. Et la grande majorité des génomes d'archées qui ont été séquencés contiennent une structure CRISPR et des gènes Cas. Alors que ce n'est pas le cas des bactéries. Il est possible que ce système soit indispensable pour les archées, alors qu'il ne l'est peut-être pas pour les bactéries, qui ont d'autres moyens de défense. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Suite donc de cette lente décomposition de ces séquences palindromiques et avec des espaces et qui sont répétés, une fois qu'on a donc à peu près compris la situation, c'est-à-dire donc intégrer des morceaux d'ADN de l'attaquant, du phage méchant, que va-t-il se passer lorsque à nouveau un virus va venir se présenter à la porte pour porter malheur avec sa volonté de parasitisme à cette bactérie équipée de son CRISPR bien adapté. Qu'est-ce qu'il se passe comme à ce moment-là comme mécanisme biochimique? Alors, ce qui se passe en permanence, même quand le virus n'est pas là, c'est que le CRISPR, la structure CRISPR, est copiée en ARN. Donc l'ARN sert majoritairement à synthétiser les protéines, ce sont les ARN messagers, mais là il s'agit d'un ARN qui ne va pas être utilisé pour faire des protéines, mais qui va être tronçonné en fragments, chaque fragment correspondant à un petit tronçon de virus. Et ce sont ces ARN avec les protéines Cas dont on parlera après, qui vont pouvoir attaquer le virus quand il va revenir. Donc à la fois une copie du CRISPR sous forme d'ARN et les protéines Cas. Alors on peut être étonné, David Bicard, en préparant cette émission, David Bicard, j'ai dit il faut faire attention parce qu'effectivement les ARN, on voit que c'est le type de ces ARN messagers bien connus, donc qui fournissent des protéines après avoir traduit ainsi de suite, et donc produisent ces protéines qui composent ensuite toutes les cellules de notre corps, mais il y a beaucoup d'autres types d'ARN. Tout à fait. Alors, comment on peut les décrire? C'est des petits morceaux d'ADN? Comment est-ce qu'ils sont? Là, on vient juste de les décrire dans leur généralité. Mais rentrons un peu dans les détails, parce qu'on va en trouver qui vont être guides tout à l'heure et qui vont accompagner une très grosse molécule. Donc, en effet, on va au-delà de ce qu'on appelle le dogme central de la biologie, qui est ADN, ARN, protéine, avec l'ADN qui est transcrit en ARN, l'ARN qui est traduit en protéine. Là, on parle d'autres ARN qui ont été découverts peut-être un peu plus tard, et l'ARN joue un rôle essentiel dans le fonctionnement même dans la cellule. Par exemple, c'est de l'ARN qui va traduire les ARN messagers en protéines. Il y a aussi des petits ARN qui vont jouer des rôles de régulation de l'expression des gènes. Il y a toute une famille en fait de petits ARN, d'ARN qui sont plus ou moins petits ou plus ou moins grands d'ailleurs, qui sont au cœur du fonctionnement de la cellule. Et il se trouve que ces systèmes CRISPR fonctionnent aussi grâce à ces petits ARN dont Christine Pourcel vient de commencer à parler, ces ARN qui sont issus de ces tronçons de virus capturés par le système CRISPR. Alors si on se tourne maintenant, Christine Pourcel, vers la chronologie de ces découvertes. À partir de quel moment on a commencé à comprendre ce mécanisme-là? Ça remonte autour de comprendre, en tout cas, qu'on pouvait vacciner des bactéries. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. La structure CRISPR, c'est très récent, voilà, avait été observée dès 1987 par une équipe japonaise. Pendant de nombreuses années, on a vu qu'il en existait dans d'autres bactéries, dans les archées. Et puis en 2005, trois études indépendantes ont montré que ont permis de comprendre à quoi servaient ces petites séquences différentes les unes des autres. Donc c'est là qu'on a vu qu'il s'agissait de morceaux de virus. Et ces équipes ont proposé qu'il pouvait s'agir d'un système immunitaire, d'un moyen de nouvelle défense. Manière. Et puis en 2007, il y a eu la démonstration expérimentale par une équipe de Danisco, donc avec Philippe Horvat, Rodolphe Barangou, qui ont montré que, en effet, quand une bactérie résistait à l'attaque par un bactériophage, il s'agissait de Streptococcus thermophilus, elle avait attrapé un petit morceau du bactériophage. Et là, c'était vraiment le début d'études par de plus en plus d'équipes. Pour dans comprendre, la oui, on a continué voilà, sur ça, pour comprendre comment fonctionnaient tous ces systèmes. Et puis, donc, énormément de données ont été acquises sur le fonctionnement jusqu'en 2012, où là, on est arrivé à l'application technologique dont on parle, CRISPR-Cas9. En tout cas, si on se reporte à l'année 2011, là, il y a des chercheurs français qui découvrent donc, dans le système CRISPR, de type 2, cette fameuse enzyme qui s'appelle Cas9. Voilà. Alors on peut peut-être dire là tout de suite un mot d'expliquer. Est-ce que vous voulez bien relayer David Bicard, Christine, pour celle dans cette explication? Alors, tout à fait. Donc, la protéine Cas9, qui fait partie des systèmes CRISPR qu'on dit de type 2, parce qu'il y a une énorme diversité de systèmes cinq CRISPR. Alors, il y a 5 types. 5 grands types. Et 16 sous-types, il me semble, qui fonctionnent en fait de manière très différente, tous. Et Emmanuelle Charpentier, donc une chercheuse française qui à l'époque travaillait en Suède à l'université d'Umea, qui est maintenant, il me semble, au Max Planck à Berlin, a travaillé sur ces systèmes de type 2 et donc sur cette protéine Cas9 et a décrit comment ce système fonctionne chez la bactérie. Alors, quand on est face à cette situation, bien évidemment, il va falloir jouer du contraste, parce que si on parle d'une vraie révolution, elle va se caractériser, il faudra le répéter, mais elle va se caractériser, et là on se rend compte qu'il faut avoir les doigts très très fins, je veux dire expérimentalement, pour faire les choses, on va se rendre compte qu'avec ce nouveau système et ce nouvel outil, il y a une efficacité, un gain de temps considérable, parce que, à l'inverse, dans la période antécédente, quand on voulait aller manipuler, c'est-à-dire rajouter par exemple un gène dans un génome, c'était très difficile, c'était très long. Ça pouvait prendre plusieurs mois, ça pouvait prendre parfois un an. Il fallait en plus choisir. Toutes ces opérations se passaient in vitro. Et ensuite, quand on essayait de passer in vivo, c'était encore très compliqué. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que ça résume bien les choses par contraste avec l'incroyable facilité que semble présenter donc cette nouvelle méthode? En effet, il existait d'autres techniques. Le principe, c'est de cibler la zone qu'on veut modifier, qu'on veut inactiver ou dans laquelle on veut insérer quelque chose. Donc, aller vraiment à l'endroit qui nous intéresse et puis faire une coupure. Donc, il fallait une endonucléase qui coupe l'ADN. Et on profite après des systèmes de réparation de la cellule pour modifier, faire une mutation. On pouvait le faire, on avait d'autres systèmes qui le faisaient, mais beaucoup plus complexes, beaucoup plus coûteux. Et la différence, c'est que Cas9 va faire cette coupure et elle va être guidée par l'ARN dont on a parlé de manière très, très précise et très efficace. Là encore, par contraste, puisque on y arrivera tout à l'heure, mais sous cette question générale d'essayer de modifier un gène, dans le cas des OGM, là, la méthode, on peut dire, est chimique. Elle est d'une certaine façon, bon, on peut faire muter de façon aléatoire par rayonnement ionisant, on peut jouer à modifier un ADN de plein de façons. Mais dans le cas des OGM, qu'est-ce qui se passe, David Bicard? Donc, toute la révolution de cette technique CRISPR-Cas9, qui donc à la base est ce système immunitaire bactérien, c'est donc cette protéine Cas9 qui est en fait une nucléase, c'est-à-dire des ciseaux à ADN. Et ils vont être capables d'aller couper l'ADN tout en étant guidés par ces petits ARN. Et donc l'endroit où ils vont couper dans un génome est complètement déterminé par la séquence de ce petit ARN qu'ils portent et qu'on peut reprogrammer extrêmement facilement. Il suffit de changer la séquence de l'ARN, donc c'est les bases un peu comme celles de l'ADN, A, U, G, C. On réécrit cette séquence pour qu'elle soit identique à un endroit dans le génome qu'on veut modifier. Je vous suis attentivement parce que oui. Et la protéine Cas9 va couper à cet endroit-là. Et comme le disait Christine, après la réparation de la cassure va nous servir à introduire les modifications qu'on veut. Alors cette dame dont on parle tant et sa collègue, cette chercheuse dont le patronyme est Charpentier, elle trouve un tout petit ARN spécifique qui s'appelle Tracer. Ça complique encore les choses. Mais l'idée est, si on reste à un niveau de vulgarisation, on voit qu'on va parler de ciseaux qui viennent couper telle partie du génome de telle façon. Ça ne suffit pas, parce que il y a la nécessité de comprendre pourquoi est-ce que ce système, cet outil CRISPR, a besoin, avec Cas9, donc de petits morceaux d'ARN guides. C'est-à-dire que ce sont des repéreurs. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, ces petits ARN? Oui, c'est le fait. Je pose ma question de façon naïve et j'essaie de la naturellement, spatialiser. Naturellement, le petit ARN traceur est séparé des petits ARN correspondant aux morceaux de virus. Ils vont être associés dans un complexe avec la protéine Cas9 et AE3. Donc les deux petits ARN plus Cas9, ils vont aller se mettre exactement où il faut pour couper. L'amélioration qu'ont fait Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, c'est de les accrocher ensemble, les deux ARN, de n'en faire qu'un. Ce qui, non seulement est plus facile à manipuler, mais également plus efficace. Ça marche mieux, apparemment, que... Quand ils sont à Paris, donc ils sont réunis. Et donc, c'est le seul système, le système de type 2, qui fait ça. Les autres systèmes CRISPR-Cas ont plusieurs protéines pour faire ce travail. C'est beaucoup plus compliqué. Ils associent 2-3 protéines pour faire ça. Donc, celui-là, le type 2, est vraiment, vraiment simple à manipuler. Alors, pour continuer, prenons d'autres exemples, David Bicard. Il y a en particulier un chercheur américain, mais qui porte un nom chinois, je crois. Il s'agit de Fang Zhang. Alors, on va voir comment vont se compliquer les choses. D'un seul coup, lui, simultanément, il va modifier 5 gènes dans... Et là, la chose est importante, dans les cellules souches embryonnaires de souris. Donc c'est dans un œuf, grosso modo, c'est bien ça. On peut appeler donc cette cellule unique avec son patrimoine génétique. Et là, explicitation d'abord au niveau de l'échelle et au niveau de... C'est simultanément. C'est ça qui est révolutionnaire en fait, parce qu'il faut voir que pour faire une modification avec les techniques qui existaient avant, c'était, comme vous l'avez dit, plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui. Donc là, en un coup, en l'espace de quelques mois, on a 5 modifications d'un coup. Donc c'est vraiment un changement d'échelle dans ce qu'on était capable de faire. Alors, dans ce cas-là... les choses sont faites en une seule étape. Tout à fait. Une seule étape, et on obtient donc par injection de CRISPR-Cas9, c'est plus de ARN guide dans le cas de ce chercheur au patronyme d'origine chinoise, Zhang. On obtient cette injection donc qui va modifier. Alors, là, ça devient tout à fait étonnant, parce que d'autres expériences vont faire que, en particulier des souris qui souffrent de cataracte, comme on va connaître le gène qui est donc à l'origine de la chaîne de causalité de cette maladie, de cette pathologie, on va pouvoir les guérir. Tout à fait. Donc ça vous étonne pas plus que ça. Vous êtes tellement dedans. On est dedans, c'est sûr. Et puis il faut quand même aussi mettre ça en perspective avec le passé de l'ingénierie génétique, de notre capacité à modifier le vivant. Et c'est vrai que les premières modifications génétiques dans le génome de cellules eucaryotes, ça remonte quand même aux années 80, fin des années 80. Donc là où c'est assez extraordinaire, c'est vraiment la facilité avec laquelle on est capable de le faire maintenant, alors que c'était des choses qui étaient très complexes avant. Et en effet, on est capable d'aller guérir des maladies génétiques, au moins chez la souris pour l'instant. Et beaucoup de gens l'espèrent bientôt chez l'homme. Et oui, bien sûr, parce qu'en particulier, on peut regarder ceux qui sont qui ont une infection au sida qui est tout à fait latente, et ils ne montrent pas les signes, et cela, on va commencer, on regardera bien évidemment dans la deuxième partie de ce rendez-vous de continuation un certain nombre d'applications possibles, puisque tout est ouvert. Mais on peut déjà se poser cette question pour répéter que cette méthode et cet outil est vraiment heuristique. Qu'est-ce que vous voyez comme contraste, puisque vous avez travaillé avant, vous le voyez dans votre pratique de laboratoire, Christine Pourcel, ce pas de géant qui a été fait dans cette efficacité, cette rapidité? Personnellement, enfin, dans ce qu'on fait, nous, dans notre laboratoire, ça ne nous est pas utile. Mais oui. pour les gens qui travaillent sur le développement, par exemple, qui veulent comprendre la fonction de chacun des gènes, on a beaucoup de gènes dont on n'a absolument aucune idée de leur fonction. Et une des façons de le faire, c'est d'inactiver ce gène. On inactive le gène et on regarde, on remet dans la souris les cellules modifiées. On regarde ce que ça a pu faire, ce qui a été modifié. Donc, pour faire ça, déjà, on se rend compte que ça va être très, très facile. Et il y a déjà toute une collection importantes de gènes ont été modifiés chez la souris par exemple, et on va pouvoir modifier des choses, les rajouter, et pour tout ce qui concerne la recherche fondamentale, ça va vraiment être indispensable, enfin vraiment très utile. Après, pour les applications, c'est une autre chose dont on parlera. Bien sûr. Mais pour la recherche, de manière évidente, on va beaucoup, beaucoup avancer avec cette méthode pour modifier les gènes. Mais ne vous privez pas pour expliciter un peu vos recherches à vous, puisque vous restez, si j'ai bien compris, sur l'outil CRISPR. Oui, dans le laboratoire où je travaille, oui, on s'intéresse au système naturel qui, pour nous, est fascinant en lui-même. Bien sûr. Le fait qu'au cours de l'évolution des archées et des bactéries, ces systèmes si complexes, parce qu'ils sont incroyablement différents les uns des autres et très complexes, aient pu se mettre en place. Vous parlez d'immunité adaptative, là. Voilà, du système. Qui oui. permet aux bactéries de résister à leur virus. Et donc, nous, on a créé des outils informatiques qui nous permettent de les identifier, de les comparer les uns aux autres et de voir, d'essayer de comprendre déjà pourquoi la bactérie a ce système. Elle en a d'autres pour se défendre contre les bactériophages, elle n'a pas que ça. Pourquoi celui-là a été conservé depuis toujours, puisque on pense qu'il existe depuis vraiment très très longtemps. Et à quoi ce système, est-ce qu'il peut aussi servir à autre chose? On pense qu'il pourrait peut-être réguler des gènes bactériens aussi. Donc ce genre de choses nous intéresse. Et en plus, les candidats sont nombreux, parce que des bactéries, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'espèces de bactéries. Et puis il y a des bactéries qui sont elles-mêmes aussi virulentes, qui sont donc pas seulement des hôtes sympathiques que l'on nourrit dans le 1,5 kg du microbiote qui nous caractérise, nos commensaux qui sont dans le nez, dans les oreilles, dans la bouche, comme on l'a vu dans une émission précédente, et puis aussi dans le transit intestinal, où là, petit rappel, nous avons dans nos fesses, pour un gramme de fesses, quelques milliards de bactéries, on voit que c'est une immense population. Alors, donc, il y a un chemin de recherche, celui que vous poursuivez, qui est à l'écart d'une certaine manière, qui a sa spécificité par rapport à celui qui est mené, on va le voir sur d'autres exemples, oui. avec, cette fois, décliné de façon complète, CRISPR-Cas9. Voilà. Oui, entre nous et d'autres équipes qui s'intéressent à toutes ces protéines Cas. Eh bien voilà, passé avec ce piano, le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science qui ouvre la semaine donc sur, allez je dis encore l'acronyme, avec l'accent ou la prononciation anglaise, puisque de toute façon c'est l'acronyme d'un mot anglais, c'est CRISPR-Cas9, toujours en compagnie de Christine Poncel et David Bicard, qui sont l'un et l'autre des spécialistes de ces questions, qui sont des biologistes, des microbiologistes. Et puis une petite précision, parce que c'est une sollicitation qui m'a été faite pendant cette pause musicale, par Bruno Gagnère-Fontani, et qui a dit « fesses ». Qu'est-ce à dire ? Eh bien c'est un mot de naturaliste pour dire simplement les crottes, les merdes, les fientes, les... voilà. Et donc, nos déjections, une fois que tout est passé, ce qui n'a pas été assimilé. Et ce mot désigne la chose. Revenons à nos affaires palindromiques. Parce que, on peut peut-être proposer la définition standard. Je vais le faire tout de suite. C'est un mot ou un groupe de mots qui peuvent être lus indifféremment de droite à gauche ou de gauche à droite, la séquence des lettres étant symétrique. Exemple, je vous donne un exemple rapide, tout le monde pourra mettre le nom propre auquel il pense. Le palindrome suivant, l'expression, est lu par cette crapule. C'est un palindrome de 18 lettres. Mais revenons aux sciences. En biologie, c'est un segment d'une molécule d'ADN à deux chaînes associées comprenant deux séquences successives qui sont symétriques, l'une par rapport à l'autre, au point du milieu. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, du milieu. Oui, voilà. On peut dire centre, comme ça. Voilà. Alors, dans la... J'ai envie de vous... Parce que ça prend une telle popularité qu'on a même décidé de consacrer une semaine entière de tous les rendez-vous scientifiques à cette chose. Est-ce que ça vous semble légitime ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette découverte, dans ce qu'on est en train de pouvoir peut-être déjà d'obtenir, on va voir des exemples tout de suite, et de ce qu'on pourra découvrir avec cette nouvelle manière. Est-ce que, encore une fois, c'est l'investigation possible, la transformation de l'homme par l'homme, c'est... Comment vous voyez les choses ? Dans tous les cas, c'est important d'en parler, parce que c'est vrai que c'est une découverte qui, dans un premier temps, va avoir et a déjà un impact très important sur la recherche, qui accélère la recherche, mais qui va sortir du laboratoire un jour ou l'autre. Et donc, il faut en parler. Même sentiment ? Oui, exactement. Il y a manipuler le génome des êtres vivants, c'est se prendre pour Dieu, comme certains disent, ou faire l'apprenti sorcier, on ne sait pas. Il faut y réfléchir, oui. Pour la recherche, c'est évident, je pense. Pour d'autres applications, il faut en parler. Alors, il y a peut-être une question préalable avant de prendre les exemples, qui est la suivante, c'est que on voit d'une certaine manière, si j'ai bien compris, c'est que bon, on peut intervenir. On intervient bien sûr toujours au niveau et très exactement à un certain niveau d'ordre, hein, en tout cas, donc et qui est le biochimique, c'est-à-dire le matériel génétique. Ça se passe exactement à cette échelle en termes d'ordre. Bien, mais c'est compliqué le vivant et en particulier donc ça peut jouer sur des unicellulaires qui sont sans noyau, avec des noyaux, ça peut jouer aussi sur des pluricellulaires. On va voir très vite que c'est arrivé, évidemment, sur des pluricellulaires, en particulier sur la mouche, hein, ouais. Puisque on a fait des choses sur la mouche, vous pourriez peut-être le rappeler d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle année. Sans doute l'année dernière. Ouais, certainement l'année dernière. Oui, c'est bon, et donc, on le voit sur les différentes espèces, dont l'homme, hein. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est au niveau de l'espèce. C'est-à-dire au niveau de l'individu et de sa descendance, quoi. Donc, c'est d'importance, vraiment. Oui, si on modifie l'embryon et qu'on le réimplante pour faire, bon, dans une souris, ça a été fait, ou dans d'autres mammifères, ou on peut le faire aussi avec des insectes, là, à ce moment-là, le gène modifié va être partout dans l'individu qui va grandir, et il va être aussi dans ses cellules germinales, il va être transmis à sa descendance. Donc c'est la différence avec la thérapie génique, par exemple, où on souhaite modifier, guérir un gène malade, mais à ce moment-là, il ne sera pas transmis à la descendance. Pas d'héritabilité. Voilà. Alors que si on fait ça sur un embryon avant de le réimplanter, on modifie la descendance aussi. Alors prenons un exemple tout de suite, puisque celui-ci est d'une certaine manière assez exotique et en même temps très très embêtant, mais il pose des questions. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des foreigners, des aliens, hein, c'est-à-dire des importations d'animaux. On sait que par exemple à Kerguelen, l'importation des chats a eu à partir de deux couples, ils sont maintenant des milliers, et donc il pose un problème pour cet archipel absolument somptueux, en particulier parce que ces chats ne mangent pas les souris qui sont elles aussi très nombreuses, ou les rats, mais plutôt mangent les petits oiseaux et d'espèces qui sont évidemment menacées, tout à fait endémiques et sublimes, comme les grands albatros, ainsi de suite. Donc, en Australie, champion de l'importation de l'animal parasite, le lapin, ça a été terrible. Et puis aussi, un crapaud énorme, un crapaud buffle, mais vraiment énorme, près du kilo. Et puis, terrible aussi, avec quelques arguments délétères, c'est-à-dire qu'il a du venin. Et qu'il peut croquer gentiment des souris qui elles-mêmes sont des serpents qui sont eux-mêmes venimeux. Alors là, on pourrait utiliser le CRISPR-Cas9 pour éliminer le crapaud buffle. Qu'est-ce à dire? Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le mécanisme là? Parce que là, c'est une volonté délétère. Alors il s'agit de coupler, si on veut, ce système CRISPR à quelque chose d'autre, à une stratégie pour en faire ce qu'on appelle en anglais un gene drive. Alors, j'ai pas trouvé de traduction française. Bon, un driver de gène, conducteur de gène. Conducteur de gène. Ouais. En fait, le concept de ce gene drive, c'est de forcer l'ensemble de la descendance à avoir ce système CRISPR et à le propager de génération en génération jusqu'à ce que ça envahisse toute l'espèce. Donc c'est gene drive, c'est qu'on va prendre un gène, une modification, et qu'on va la fixer dans l'espèce. On va très rapidement faire en sorte que tous les membres de cette espèce portent ce gène. Et alors, là, donc c'est un gène qui tue au bout d'un moment. Et on peut mettre ce qu'on veut comme gène, mais on peut par exemple... Non mais dans le cas précis de ce crapaud buffle, qui est très très embêtant pour l'équilibre environnemental. Hein, voilà, donc si on voulait éliminer ce crapaud buffle, on pourrait par exemple faire en sorte que ce gène fasse que tous les petits crapauds qui naissent, les petits têtards par exemple, soient tous des mâles. Et donc ce qui amènerait forcément à l'élimination de l'espèce. Christine Poncel. Oui, on peut l'empêcher aussi de faire sa toxine, d'après ce que j'ai pu voir, et donc qui lui permet de se défendre contre d'autres prédateurs. On peut aussi modifier des gènes pour qu'ils meurent plus vite. Et donc petit à petit, les animaux ne vont pas pouvoir se reproduire. Oui. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour finir par tuer, par faire éliminer ces animaux. Oui, c'est ça. Donc l'espèce entière dans ce cas-là. Et, oui, et avec la stratégie du gene drive, donc on va disperser ça dans l'espèce à l'endroit où on l'a mis, en espérant que ça n'aille pas n'importe où. Ça rappelle, mais évidemment là il n'y avait pas d'héritabilité, ça rappelle ce qu'on a fait avec la Lucille Boucher en particulier. Donc c'est-à-dire que cette petite mouche qui faisait énormément de dégâts, en particulier sur les animaux d'élevage, où on a essayé de l'éradiquer par stérilisation, c'est ça? Hein, oui. De produire que des mâles stériles et au bout d'un moment, mais là pas de transmissibilité. Oui, on imagine aussi le faire avec les moustiques pour les maladies transmises par les moustiques. Enfin, on peut imaginer utiliser cette stratégie pour éliminer des espèces nuisibles qui sont. Alors j'introduis la question éthique là. À partir de là, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Parce que évidemment ces moustiques, en particulier, on a un grand souci de trouver. On voit la volonté de trouver la manière, avec cet outil extraordinaire, de trouver contre la leishmaniose, contre la villardiose, contre le palu, ainsi de suite, le bon remède génétique, hein, d'une certaine manière, on peut l'appeler comme ça. Oui, apparemment, beaucoup de gens réfléchissent à des stratégies, justement, déjà pour se débarrasser des nuisibles, des frelons, de certains animaux qu'on a décrétés nuisibles pour nous. Alors que, ils ont toujours existé, et avant qu'on dérègle un peu les équilibres, ils ne faisaient pas de mal. Ils sont nuisibles, on veut les éliminer. Ensuite, il va falloir réfléchir un petit peu justement à la façon de le faire, aux conséquences éventuelles sur l'environnement. Oui. Alors évidemment, ça a un peu fait peur, et à un moment, ça ressemblait au célèbre meeting d'Asie Lemar où avait été décidé une sorte de moratoire sur un certain nombre, au moment où on commençait à entrer dans le mystère de l'ADN. Là, il y a eu une réflexion, il y a eu une réunion d'ailleurs dans l'année 2015 aux États-Unis. Vous pouvez peut-être en parler, David Bigard, qui posait cette question. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le diable? Après, on reviendra rapidement des voies de recherche possibles. Mais déjà, posons-nous cette question de principe. Là, il y a quand même une réunion pour savoir où on va. Tout à fait. Donc, en décembre dernier, à Washington, oui. Il y a eu un grand congrès où tous les experts mondiaux en génétique se sont réunis pour discuter de ces questions de CRISPR et établir des guidelines, des lignes directrices sur qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui ne l'est peut-être pas par rapport à l'utilisation de ces systèmes. Et là, vous comprenez l'attitude de quelqu'un comme Baltimore, qui a été prix Nobel pour une partie de la découverte du sida, histoire compliquée. Et puis aussi parce que celui qui a été promoteur du laboratoire d'Asie Lemar s'est prononcé, il vit bien sûr encore, et il a dit « Ouh là là, dangereux là, ça sent pas bon ». C'est vraiment grâce à ces outils, on a la capacité de modifier le patrimoine génétique de l'homme, ce qui peut être utile pour soigner des maladies génétiques, mais on peut tout de suite bien sûr penser aux dérives, améliorer la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Oui, c'est ça, bébé parfait, ainsi de suite, à la demande. Oui. Alors là, le risque est d'autant plus important puisque c'est, semble-t-il, pour forcer le trait, mais on pourrait pratiquement, un très bon étudiant en génétique pourrait, dans son garage, ça existe d'ailleurs, et paraît-il, on les appelle comment? Des biohackers. Des biohackers. Ils essayent de faire du CRISPR-Cas9 dans leur petit garage. Ouais, et le peuple. Des souris avec des yeux mauves. Ils peuvent le faire sur des organismes simples. J'ai vu que sur la levure, par exemple, je crois qu'ils ont réussi à faire une levure qui produit de la morphine ou quelque chose comme ça. Par contre, je ne pense pas que dans son garage, on puisse faire des souris modifiées ou des humains. C'est quand même très complexe. C'est pas si simple que ça. Mais on peut modifier sûrement des bactéries, des levures qui sont des petits organismes. Oui, ça devient de plus en plus faisable, facile. Alors, dans l'année 2015, dans l'année passée, donc là, il y a des travaux qui ont commencé à investiguer, en particulier donc de mobiliser des modèles animaux pour essayer de comprendre des maladies. Et là, c'est la myopathie de Duchenne c'est une équipe de scientifiques qui sont à Pékin qui ont commencé à réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la liste, dans les différents articles de vulgarisation qui donc ont écrit sur ce sujet vraiment mobilisant. David Bigard, cet exemple, est-ce que vous avez un autre exemple de pathologie qu'on essaye en ce moment de travailler, de pathologies qui sont des maladies génétiques? Donc, en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que un peu toutes les maladies génétiques sont susceptibles d'être guéries par ces techniques. Et donc, j'ai vu notamment des chercheurs qui cherchent à guérir des cécités, à rendre la vue à des gens, qui cherchent à faire baisser le cholestérol, tout un tas de choses, quelque chose peut-être un peu plus original. Une équipe aux États-Unis qui modifie le génome du porc afin que ces organes ressemblent le plus possible aux organes de l'homme pour pouvoir faire des transplantations, ce genre de choses. Alors, si, et je vous pose la question à tous les deux, si on doit comprendre, est-ce qu'on peut plutôt comprendre la chose de cette façon ? Il y a dans ce cas donc une modification génétique dont on va opérer, qui permet le progrès d'ailleurs, comment s'ouvre, là encore j'ai des difficultés parce qu'il faudrait trouver des exemples, mais comment s'ouvre le danger? Comment s'ouvre vraiment le danger dans ce cas-là? Parce que, est-ce que ça va être économique de soigner une maladie génétique? Il faut bien voir que si quelqu'un a une cécité et qu'on peut la guérir par un séquençage modifié du gène, on va mobiliser les gènes de développement, des gènes multipotent. Comment va le processus là? Comment va se passer la chose? En fait, je pense qu'il faut mettre en parallèle ces techniques de modification génétique avec les techniques de séquençage de l'ADN des hommes. Le fait qu'on est de plus en plus en mesure de séquencer. Il y a eu cette semaine l'annonce d'une entreprise américaine qui peut maintenant séquencer votre génome pour moins de $1,000. Ok, c'est bon. Donc c'est et pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Justement, pour séquencer une cohorte de personnes gigantesques qui va nous permettre de faire des liens de causalité entre la présence de certaines mutations génétiques et certains phénotypes qui vont être certaines prédispositions à des maladies ou autres. Et une fois que ces liens sont établis et qu'on peut les vérifier au laboratoire sur des souris ou autres, ça veut dire qu'on est capable après d'aller faire les modifications pour soigner. Votre sentiment sur ce point là, bien précis, Christine Poncel. Oui, il faut faire la différence entre la thérapie génique qu'on pourra faire sur les enfants, enfin après leur naissance, sur des adultes malades, et puis la modification, évidemment, avant l'implantation, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas autorisée, qui ne le sera peut-être jamais chez nous, peut-être dans d'autres pays, mais... L'Angleterre demande, par exemple. Alors, ils demandent à faire des recherches sur l'embryon humain, pas encore à les modifier et les réimplanter chez une mère. Par contre, donc la thérapie génique était déjà quelque chose que les laboratoires essayaient de faire, certains laboratoires de recherche. Donc ça, c'est pas nouveau, ça pourra être plus facile. Et si on peut corriger un défaut génétique grave, pourquoi ne pas le faire? C'est différent quand il s'agit de toucher un embryon, bien sûr. Alors, dans certains cas, quelle différence avec ce qui existe déjà, et en particulier, donc, c'est l'idée d'un scientifique de votre domaine qui disait, c'est pas tellement différent de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la fécondation in vitro. Alors, c'est vrai qu'il faut, ce qu'il faut regarder, c'est que quand on parle de modification génétique des embryons, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on voudrait modifier génétiquement des embryons? Est-ce qu'on peut pas déjà le faire simplement en sélectionnant des embryons, ce qu'en fait on fait déjà? Lorsque on sait que des parents sont porteurs potentiels de maladies génétiques qui peuvent être récessives, graves, on va faire des tests génétiques et éventuellement sélectionner des embryons à implanter pour être sûr de pas implanter un embryon malade. Et on peut éviter beaucoup de maladies génétiques déjà grâce à ces techniques-là. Donc il faut réfléchir à quel moment l'utilisation du CRISPR va apporter un bénéfice en plus. Là, il y aura évidemment des échos à ces interrogations dans l'émission de demain de René Friedman pour la révolution médicale, puisque évidemment le jeu de la reproduction va se poser avec ce champion-là. Est-ce que vous avez regardé, Christine Poncel, le cas toujours des chercheurs chinois qui ont utilisé des embryons humains qui étaient non fécondables, qui étaient donc, si je puis me permettre, au rebut, en tout cas pas utilisables? Ils ont été très très critiqués parce que justement ils passaient la distance, ils passaient la frontière, ils travaillaient sur des génomes humains. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'ils ont ils ont essayé de soigner le gène de la bêta-thalassémie, si je me souviens bien. Oui. Et donc, ils ont montré que ça n'avait pas très bien marché. C'est plutôt une bonne chose parce qu'ils ont pu montrer que l'enzyme CRISPR, le système CRISPR-Cas9 marche, mais il peut quand même se tromper. Il peut aller couper ailleurs, à un endroit qui n'était pas ciblé par le petit ARN. C'est ce qu'ils ont observé. Et donc, ça fait tout de même un peu peur. Donc, on peut se dire, pour l'instant, si on voulait faire ça chez un humain, il y aurait peut-être des effets secondaires graves. Par contre, le faire sur une souris, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et je pense que finalement, c'était pas si mal qu'ils aient fait ça, pour montrer que ça ne marche pas bien. Et puis, pour faire réfléchir, d'après eux, c'était juste de la recherche. Je ne sais pas s'ils veulent aller plus loin. Vous y croyez ? On peut leur faire confiance. Non, je ne sais pas. Je pense que peut-être un jour, quelqu'un essaiera de le faire sur un humain. Comme le clonage. Mais le clonage, pour l'instant, il n'y a pas eu de clone humain. Mais avec, avec sa volonté permanente de tout investiguer, de tout manipuler, c'est évident que ça va se produire, non? Oui, moi je suis assez convaincu. Ça va se produire. Donc, à ce moment-là, sans dramatiser, mais est-ce que vous... Alors vous n'êtes peut-être pas concerné de façon aussi directe, puisque vous n'allez pas jusqu'au bout avec le Cas9, si je puis me permettre, Christine Poncel. Mais vous, jeune chercheur, vous avez des états d'âme éthiques? Alors moi, personnellement, je suis microbiologiste et j'utilise le CRISPR chez les bactéries. Donc, au même titre qu'une souris, j'ai envie de dire encore plus, on a moins d'état d'âme pour aller enquiquiner les bactéries. Mais c'est sûr que voilà, il faut avoir cette conversation avec le public. Est-ce que on souhaite autoriser la modification d'embryons humains pour soigner des maladies génétiques, sachant que éventuellement ça va veut dire franchir une barrière qui va être de comment est-ce qu'on définit une maladie génétique. Est-ce qu'il y en a forcément des degrés de gravité. Eh bien, on va rester sur cette interrogation. En tout cas, c'était donc le rendez-vous d'ouverture de cette semaine dévolue à cette nouvelle technique, ce nouvel outil. Continent Science était à son rendez-vous comme tous les lundis. Merci bien sûr de votre attention, merci de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère-Fontanil, à la documentation Thierry Beauchamp et à la réalisation Denis Journeau, Stéphane Delisgeorges. Comme vous le savez, Continent Science est balado-diffusé. Vous pouvez ainsi nous écouter et nous télécharger selon votre propre désir, et cela pendant le temps d'une grande année, voire nous écouter pour pratiquement l'éternité, si je puis dire, demain à la même heure, comme vous l'avez compris. Et dans la suite donc de cette interrogation, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.